Sitakoya, Sheriki Tokoya Nana. Eh, Sita, de tout mon cœur. Viens vite, chérie, je t'en supplie. Eh, Goya, Mame, Mame, Sita, Sita, Vittori. Eh, Sita. Mame, Mame, Sita, Sita, Vittori. karibuni, oh karibuni.